Et pas en kilo. Pourquoi pas un autre? Pourquoi cette feuille et pourquoi ce stylo? Représenter tes frères facile, pas d'inquiétude grand. Mais pourquoi tu t'en crois capable et surtout pour qui tu te prends? T'es qu'un mouton dans l'équation du théorème. Deux rappeurs ne s'entendent que pour parler mal d'un troisième. La route est longue, arrête de croire que les gars s'aiment. Tu lutteras ta première rime à ton premier chèque Strassem. Ferme ta gueule et bosse ton rap, deviens grave fort. Pas besoin de faire le mec hardcore si tu mets tout le monde d'accord. Ne deviens pas ce jeune connard. Aucun principe qui rajoute des violons qui pensent que sa merde est un classique. N'écoute pas des nouveaux potes, c'est des solus qui durent. Rap qui dit mon frère on est ensemble, qui dit c'est plus que du rap. Faire les coups de main c'est rare comme péter le million avant l'âge. Ne côtoie les rappeurs que par intérêt à ton avantage. Tu crois en toi, accroche-toi à tout ça. Mais ne laisse jamais personne te dire jamais. Cette musique c'est une maladie, tu peux pas faire le deuil. J'arrête le rap, c'est le fossoyeur qui s'ouvre la gueule d'un cercueil. Se jeter à l'eau comme un freestyle sur les quêtes scènes. Et pourquoi toi sur cette affiche, qu'est-ce que tu fous sur cette scène? Si t'as plus à dire que les autres, écris un bouquin. Si tu choisis le rap, un bip de vérité, ton message. Si on t'appelle sale imposteur, calcule pas au nid. Tu prends des sous, t'es pas rappé, là au nid. Un jour tu deviendras quelqu'un, un autre en que tu peux prendre. Alors t'es devenu quelqu'un, ils parleront de ta concurrence. Ne laisse pas faire, ne laisse au grand jamais personne te dire ce que t'as à faire. C'est dans la vie comme dans le rap, des bâtards courtois. Le temps que ça dure, cousin à Saint, c'est vraiment content pour toi. T'es fou toi, réalise ce que tu vis, faut que tu captes. Les gars ton âge tu pour la paye et toi on paye pour du rap. Des petites chums et pour les gars chez toi c'est l'auto. Le seul du RSA derrière les psartes potos. Tu crois que le rap est sous si tu laisses ta cité tu fuis. Ne dis jamais envie, je n'ai pas fatigué, je suis. Ton cahier n'est pas si méchant. Arrête de te foutre de leur gueule, c'est pas du rap mec, c'est la vie des gens. Attends, attends, j'en suis là. Yeah. Fallait que ta pète un jour ma carrière sans le sang plomb. Miroir, miroir, dis-moi qui est le champion. Non, je parle moins vite fait. Comme à l'ancienne. Moi, je dormais dehors, Jack et Daniel sont mes seuls pistons. Ce son n'a pas lieu d'être sans remercier Malik et Fiston. Des rêves de miséreux, concert, champagne et villa. Autant où charismatique ne s'appelait pas Abdelila. Cette grande époque où on pouvait s'appeler la mythe sans tarif. Regarde ce que c'est devenu sans Jamal et sans Larif. Trouver le payeur quand c'est la gloire qu'on rançonne. Un truc qui frappe le rappeur cogne et puis le téléphone qui sonne. Voilà. Ouais, allô, c'est Jeanne? Ouais. Ouais, c'est Karim, le président de Civic, tu vas bien? Ouais, ouais, et toi? Ouais, j'écoute ton truc, on pourrait voir? Ouais, pas de soucis. À l'époque, Six Semaines, c'était plus qu'un espoir. Il commence son histoire, on a kiffé ton truc, on voulait te voir. Le rendez-vous est pré-signé en quelque sorte. Imagine un petit footballeur qui a le PSG devant sa porte. Certains redoutent la gloire, tous clichés qu'ils la craignent. J'ai compris que j'étais pas une fourmi quand j'ai rencontré la reine. Refuse d'essayer de la folie, trahir c'est gênant. J'ai choisi mon miroir et ma conscience dit que la réponse est non. J'ai pas le profil d'une victime, c'est chacun sa team. Mon équipe c'est Kala et Nopi, mes amis intimes. 19 ans décidé de tout gagner ou de tout perdre. Logique de continuer avec ceux qui m'ont trouvé dans la merde. Ne pense qu'à toi le seul juge de ce que t'as souffert. Reste pas avec des mecs qui veillent à ce que tu restes sous terre. Si c'était ta affaire assurément je ferais autrement. Mais les choses sont telles qu'elles sont et ce ne sera jamais autrement. J'étais l'enfant seul d'Oxmo, sans la peur des coups. Je suis tellement de la rue que je crois que j'ai accouché par une bouche d'égout. Pas pour l'oser, je voulais que ma musique t'appartienne. Seulement changer la vie de certains comme certains ont changé la mienne. J'ai cassé les portes des radios, des freestyles partout. De la voix, la présence du charisme, j'arrache tout. Je sais que pour redémarrer, ça prendra des mois. Mais la leçon est prise, en vrai, la seule arme c'est moi. Le mercato commence, te fous pas de moi, j'ai pas d'huile. T'as paniqué les gens, c'est simple comme un coup de fil de la fouine. Si pas des couilles, stick et rap de tête, j'ai chat. J'entame la bouche à tape, un peu comme un lion au milieu des chats. Pour le peurage, je me suis réveillé à ses clairs. Trop modeste ou trop lent, à me rendre compte que je leur faisais peur. Trahis pas tes principes, ton idole n'est qu'un homme. La rue n'est pas une pute, on peut trouver sur Inch'Allah.com. S'accrocher à l'espoir que la vie n'est pas si nulle. Vite dans ses rêves sans se réveiller, être un doigt du ridicule. On meurt adolescent alors qu'on s'est tapé. Une femme des gosses écoute mon peur à comme la deuxième vie d'un rescapé. J'ai fait la guerre de 100 ans à remballer Jeanne d'Arc. Si tu savais d'où je viens, pour moi le rap c'est Center Park. Mandat ma ville, je suis qu'un rappeur sans apôtre. Si moi je suis trop Kaira, c'est mieux pour eux qu'ils aient pas vu les autres. Perdre mes frères, c'est l'étape que j'ai pas franchi. La même équipe et 2011, signe le retour des affranchis. Surprise comme l'apparition de mes frères dans ma tracklist. Il ne manquait qu'instruction pour compléter ma blacklist. Et la musique a parlé, sorti mes routes, c'est bâton, c'est chape de plomb, c'est plafond. J'ai cassé avec mon front. Avoir du poids, c'est bien, savoir rapper, c'est l'art. Vivant parce que je suis fort, si j'étais nul, je serais mort. Je te conseille d'arrêter là si t'as pas pris de thunes. Certains recherchent une major à leur pile, moi on en fabrique une. Ceux qui ne me connaissent pas diront c'est qui l'adore. Yen et ma fille a oublié le passé, tout démarre de là. Je vois les rappeurs, horrible. Je vois les chanteurs, horrible. Sans potentiel t'as dépensé, t'as pas de buzz, horrible. Le rapport de la rue au rap je te donne en un cours. J'ai battu mon record avec mes 13 bagarres en 20 jours. Les labels veulent ma rime, les cités veulent ma tête. Les rappeurs cherchent ma crédibilité quand j'aimerais faire la fête. Je crèverai pas pour le rap pour une seule chose sur putain. Personne peut dire à mes garçons que mon père était une putain. Bosser avec des vrais, pas de mensonges symphoniques. Merci à Baptiste et Chinois, synchronique. Plus de temps à perdre, j'enterre les promesses par dizaines. Merci à Segundo, merci à ma dizaine. Allez pour vous cette chanson qui sans façon m'avait offert du pain quand dans ma ville faisait faim. Que reste-t-il à part des histoires de compères? Offrir un château à ma mère pour la gloire de mon père. Dans le crime, dans le rap, recherche-moi. Je couche, j'entame une rime à la fin de l'envoi. Je touche.